Jazz Time, présenté par Gérard. Jazz Time invite aujourd'hui deux jeunes musiciens, le saxophoniste Nicolas Jégou et le vibraphoniste Iragaël Enfer, qui font partie du Synoptic Quartet, une formation qu'ils ont constituée en 2017, avec pour partenaire à la contrebasse Julien Monneret et à la batterie Adrien Leguet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce nouveau quartet a ceci de particulier que le piano est absent et que le vibraphone prend place avec sa couleur sonore particulière qui vous permet de proposer non seulement une nouvelle esthétique mais aussi des compositions et des arrangements particuliers pour le quartet. Est-ce que c'était votre volonté au départ quand vous avez constitué le quartet, Iragaël? Oui, donc moi en tant que vibraphoniste, l'idée était de jouer le rôle de l'instrument harmonique et également percussion, parce que vous savez, je suis également batteur et je me retrouve vraiment entre ces deux choses, le rôle de l'instrument harmonique et percussion. Et c'est vrai que si on y réfléchit, souvent le vibraphone a été enregistré en quintette, c'est-à-dire plus comme un instrument soliste et donc avec un pianiste qui jouait les accords. Et ce n'est que plus tard, là je pense à par exemple Archichep qui a utilisé le vibraphone comme accompagnement, Eric Dolphy également avec dans How to Lunch, Archichep c'était New Thing at Newport, c'était également Bobby Hutcherson qui ont essayé donc d'intégrer le vibraphone sans ni pianiste ni guitariste. Et c'est vrai que ça offre des perspectives plus larges, les sonorités, et ça crée un champ d'ouverture pour les thèmes, pour les improvisations. Voilà, donc c'est pas comme s'il n'y avait pas de piano, mais il y en a un peu quand même, voilà. Alors Nicolas, toujours sur ce même sujet, l'absence de piano, est-ce que parfois ça pose pas des problèmes d'interaction entre contrebasse et batterie, ou entre batterie et piano, comme là, ça se passe dans un trio classique? Il y a plus d'interaction dans le trio piano-contrebasse-batterie. Alors, il y a un avantage considérable d'être avec un vibraphone, c'est qu'à la fois, comme tu le soulignes, on est en trio, basse, batterie, saxophone, mais on profite aussi du fait que le vibraphone est un instrument harmonique, donc on peut travailler sur des compositions où il y a une certaine richesse harmonique qui va être mise en valeur aussi par le vibraphone. Mais on peut aussi bénéficier, je dirais, des avantages du trio et de l'absence d'un instrument harmonique qui nous offre plus de perspectives, plus de liberté. En effet, quand il y a un pianiste, en général, la plupart des pianistes, je ne peux pas mettre une généralité non plus, mais ils ont tendance à jouer tout le temps, ce qui est super parce que ça offre une ambiance sonore qui est là et puis qui nous porte en tant que saxophoniste. Mais parfois ça peut être un petit peu dérangeant, des fois on a envie de plus d'espace, et donc le vibraphone nous offre ça, comme le souligne Iragaël. C'est à la fois comme s'il y avait un piano et à la fois comme si on a... C'est comme si tu faisais peut-être un quartet avec trompette, sax, mais que des fois il y a l'option accompagnement, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait juste deux soufflants et rythmique, Là, ça implique une façon de jouer qui est différente, quoi. Et là, on a cette possibilité de repasser en mode d'accompagnement, tel que pourrait le faire Gary Burton, par exemple. Si on aura peut-être l'occasion d'écouter tout à l'heure Gary Burton, qui lui crée vraiment des accompagnements proches des pianistes. Hein, mais on peut aussi justement voir un peu l'instrument comme un balafon, les origines du vibraphone, quoi, les origines africaines, n'est-ce pas? Les origines du jazz, d'ailleurs. Il me semble. On va peut-être écouter un premier extrait d'un enregistrement récent que vous avez fait. Et donc, Synoptic Quartet, c'est tout de suite. Thank you. Synoptique Quartet que nous écoutions, et Nicolas, qui est un des deux principaux animateurs de ce groupe, va nous donner le titre de cette composition. Voilà, donc c'est un morceau qui s'appelle Kémissas Danse. C'est un morceau que j'ai écrit pour la mère de ma belle-mère. Mon père, il a divorcé et il s'est remarié avec une femme qui a des origines algériennes, qui est née en France. Mais évidemment, sa mère, elle est venue en France après la guerre d'Algérie en 1962. Alors, elle est... Bon, je ne sais pas si Gérard, je peux raconter un peu l'histoire de... Non, mais cette musique a quand même un arrière-plan oriental qu'on devine tout de suite. Et le soprano convient très bien. Voilà, bah c'est un hommage à cette femme-là. Et puis aussi, une volonté de travail sur les modes d'Afrique du Nord. Voilà, bon, bref. Alors, ça donne une illustration du fait que l'un comme l'autre, vous faites, dans ce nouveau répertoire, appel à des compositions personnelles. Hein, vous l'avez souhaité. Est-ce que, outre le travail de vous deux, il y a aussi les participations des autres membres de la formation ? Oui, tout à fait. Il y a Julien Monneret aussi qui est compositeur. Alors, on n'a pas joué. Il avait ramené un morceau pour Synoptique et finalement, on l'a pas mis au programme parce qu'on avait suffisamment de musique et puis que ça demandait un travail supplémentaire, on n'avait pas le temps. Mais ce sera prévu dans les prochains concerts. Peut-être que pour la prochaine date à la MJC Beauregard, on le fera. Alors, on peut rappeler que vous avez été lauréat du Tremplin Réseau Jazz en 2017. Ça vous a ouvert l'accès à des scènes, dont celle de NJP 2018, où vous étiez invité le 19 octobre dernier en première partie du quintet d'Henri Texier. Alors, nous évoquions tout à l'heure vos impressions relatives à ce concert. On en parlera en détail tout à l'heure. Mais j'ai noté quelque chose d'intéressant. C'est dans un récent entretien accordé au magazine 100% Nancy, Patrick Cadet, directeur et programmateur de NJP, cite des pointures qu'il a invitées à NJP. Eh bien, vous figurez en bonne place, ce qui est une forme de reconnaissance à la fois du talent et du travail du groupe. C'est important pour vous ? Je pense que oui, c'est important d'avoir quand même la reconnaissance surtout de Patrick Kader. Ça fait quand même un moment, je pense, qu'il travaille pour les NJP et le fait qu'il soit sensible à notre musique nous touche particulièrement. Voilà. Ce qui est important, c'est que le groupe existe depuis peu. Bon, nous, on était très motivés pour le faire. Les retours que nous avons, qu'ils soient des professionnels comme Patrick Kader, qu'ils soient des amateurs de jazz comme vous, Gérard Jacquemin, ou les gens qui sont venus nous voir et qui écoutent d'autres musiques et qui ont apprécié, ça ne peut que nous encourager à persévérer. Et ça, c'est très important. Et je crois que là, on est rempli de plein de choses positives pour travailler sur notre répertoire, pour travailler aussi sur la diffusion de notre musique. Donc oui, évidemment que ce petit texte de Patrick Kader nous encourage vraiment. Merci. Alors, Ireg avait la parole pour commenter cette phrase de Patrick Kader. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur la composition instrumentale du quartet avec la présence du vibraphone, qu'on voit assez peu dans le jazz, finalement. C'est un instrument qui est, je dis pas marginalisé, mais qu'on voit assez peu. Alors, j'ai préparé, Ireg, non pas un blind test pour vous piéger, c'est pas ça du tout, mais une séquence vibraphone qui va nous faire passer des années 40 aux années 80, un panorama qui n'est pas, bien sûr, exhaustif, mais qui, à mon avis, est révélateur, à charge pour Hegel et pour Nicolas de nous donner vos affinités, vos rejets, vos choix parmi ces instruments. Alors, on va voir écouter se succéder un certain nombre de vibraphonistes. Alors, on va commencer par le premier, on n'aura pas de mal à donner son nom et puis à commenter. Ireg, alors. Oui, donc là, c'est Ian Hampton. On le reconnaît parce qu'il jubile quand il joue en rencontre. Et puis, le son du vibraphone, on le perçoit tout de suite. Puis le jeu. Il ne faut pas oublier que Ian Hampton, c'est vraiment l'ambassadeur. C'est lui qui a été le premier grand soliste sur cet instrument et qui l'a fait découvrir dans le monde entier. Comme je disais, le vibraphone existe depuis peu. C'est un des instruments les plus récents. Donc, j'ai dit 1916. Avant, il s'agissait plutôt du xylophone, de marimba aussi, puis du balafon initialement. Donc, je crois que Hampton jouait du xylophone avant, puis un jour, le vibraphone a été créé. Et c'est lui qui l'a porté au nu. Voilà. Donc, il est très intéressant d'écouter Hampton et de l'écouter vraiment parce que finalement, on oublie un petit peu de l'écouter. C'est comme les trompettistes qui disent écouter Armstrong mais qui n'écoutent pas vraiment. Et c'est magnifique. Voilà. Et là, comment il s'appelle déjà cette balade, tu sais? Ça, c'est Stardust. Stardust, voilà. Et ça, c'est 1947. En fait, on a souvent l'habitude d'écouter Hampton sur des tempos rapides. Où on retrouve son jeu de batteur, en fait. Oui, il jouait de... Alors, j'ai un collègue, un ami aussi, c'est Pascal Schumacher, qui avait fait une thèse sur le vibraphone, et il avait discerné ces deux modes de jeu. Il y a des vibraphonistes qui jouent plutôt comme un pianiste, le jouerait, ou d'autres plutôt comme il ferait un solo de batterie. Et Hampton fait probablement partie de ceux qui jouent comme il jouait sur le tom bass, mais avec ses 37 notes. Cela dit, on peut quand même remarquer la qualité des notes choisies, qui sont vraiment très émouvantes. D'ailleurs, dans la suite du morceau, là, il va jouer plus vite. Alors, après Lionel Hampton, je vous propose un vibraphoniste qui s'exprimait en compagnie du guitariste Tal Farlow et à la contrebasse Charles Mingus. Voici donc Red Norvo. Red Norvo, beaucoup de virtuosité, Ireg. Oui, alors Red Norvo, qu'on connaît peut-être un peu moins, alors que c'est un vibraphoniste majeur. En fait, il a joué très longtemps du xylophone. Il s'est mis plus tard, dans les années 40, même après, au vibraphone. C'était un choix. Alors, quand j'écoute ça, c'est marrant parce que j'ai entendu Hampton en faisant du bebop et avec un côté ragtime. Enfin, voilà, c'est un peu tout en même temps. On a un son hamptonien, mais on entend quand même du bebop, des phrases typiquement bebop, et un phrasé assez binaire qui, là, juste à l'écoute, je trouve que ça me fait penser un peu du ragtime, enfin au niveau du phrasé qui swing moins, je trouve, que le Hampton. Voilà. Donc là, je le reconnaîtrais comme ça, je me dirais, tiens, oh, on dirait Hampton, mais ça, c'est peut-être un peu plus binaire. Puis là, c'est quand même. Hampton ne joue pas de phrases aussi clairement bebop, je trouve. Alors, on a écouté Hampton tout à l'heure, qui était un peu un chef d'école. Un autre chef d'école, en quelque sorte, qui a exercé dans de nombreuses formations, qui sera le plus célèbre dans un quartet original. On va écouter le Modern Jazz Quartet avec Milt Jackson. Milt Jackson dans le Modern Jazz Quartet, avec John Lewis, bien sûr, au piano. C'est un musicien qui vous a influencé ? Alors là, on entendait surtout John Lewis, je trouvais, bon, pour ceux qui écoutaient. Donc j'invite à écouter les albums du Modern Jazz Quartet. Milt Jackson m'a influencé. J'aurais envie de même m'y plonger un peu plus. Il est connoté vibraphoniste bebop. C'est peut-être avec le mode déjà sous la tête, c'est un peu moins visible. Ce que j'aime beaucoup avec Milt Jackson, c'est on a vu la différence de son qu'il a avec le vibraphone. Hein, Hampton et Red Norvo, c'est très dur, certainement aussi pour faire entendre le vibraphone au sein des orchestres. On pense à Lionel Hampton qui joue avec son big band. Donc il y avait des baguettes très dures. Il n'utilisait pas la pédale, d'ailleurs, il jouait sans pédale de résonance. Il tapait plus fort possible. Et Milt Jackson, peut-être grâce au micro, hein, une réflexion. Donc lui utilisait des baguettes très grosses et très douces. Et il tapait sérieusement fort en fait, hein, mais du coup on n'avait pas cette dureté, on avait un moelleux avec un impact quand même, et ça donne un phrasé très coulant, très gouléant, je dirais. Et puis ce qui est à noter quand même avec le pianiste, c'est que c'est la complicité piano vibraphone. John Lewis était justement à jouer plus sur la réserve, sur une main droite très très discrète, très mélodieuse, et qui pouvait peut-être permettre aussi aux vibraphonistes de déployer aussi des phrases un peu plus virtuoses. Voilà, donc moi, c'est aussi la qualité des compositions dans le Modern Jazz Quartet avec les arrangements que faisait John Lewis. Donc là, dans le Modern Jazz Quartet, c'est surtout le binôme aussi que j'aime bien, et le son du vibraphone, ça c'est une nouveauté pour moi, Milt Jackson. Le phrasé aussi, le phrasé. Nicolas, vous partagez cette analyse des Ragal ? Moi, ce qui concerne, pour revenir un petit peu sur les vibraphonistes connectés tout à l'heure, moi, Red Norvo, je l'ai surtout découvert avec Charlie Parker, et je trouve que Red Norvo, il fait partie des boppers, quoi. On entend les mêmes phrases que Charlie Parker. C'est vrai qu'il y a ce côté dur. Je pense que le côté dur du son dont veut parler Ragel, il est lié aussi au style de musique. On pense à Charlie Parker, il a un son assez dur au sax, donc ça paraît assez cohérent que les musiciens qui font partie de ce style-là jouent dur, alors que le Modern Jazz Quartet, on parle du third stream, c'est ça, hein, Gérard. Non, mais j'ai fait un choix d'une musique très feutrée. Voilà, c'est ça, donc finalement, le son du vibraphone, il est aussi en adéquation. Ils se font entre le piano et le vibraphone. Voilà. Alors, il faut quand même qu'on donne des noms de musiciens qui jouent du vibraphone en France. J'ai choisi Michel Auxerre, qui est quelqu'un qui s'est fait connaître dans les clubs parisiens après la guerre, qui est toujours à la tête d'un festival à Münster. Alors, Michel Auxerre, on va l'écouter. Il fait en quelque sorte la synthèse Hampton Milt Jackson. De moi, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Donc, Michel Auxerre, c'est un disque relativement récent avec son jazz group. Thank you. Le titre de cette interprétation de Michel Hauser et de son groupe, c'est Along Came Milt. Alors évidemment, Ringel, c'est très proche de Milt Jackson. Oui, là on voit un clair hommage à Milt Jackson, à sa façon de jouer. Justement, ce phrasé moelleux, avec ses triolets. Voilà, on reconnaît. J'aurais pu me tromper, je pense, si on m'avait fait sans que tu me dises que c'était pas Milt Jackson. Je pense que là, c'est plutôt Milt Jackson. Je connais, par contre, Michel Hauser aussi sur des côtés très amptoniens. J'ai des disques où voilà, on voit vraiment sa préférence aussi pour Lionel Hampton. J'aime beaucoup Michel Hauser. On avait vu un big band, c'était Fred Nardin, je crois. C'était Amazing Keystone Big Band. Ouais, où il était invité. Donc, il y avait Michel Hauser invité en soliste pour deux morceaux. Et c'est vraiment magnifique. C'est un excellent vibraphoniste. On va passer à un musicien, un enregistrement qui date de 1989. C'est un musicien qui, dit-on, a été découvert par le batteur Buddy Rich, qui est lui aussi un grand technicien. C'est un musicien qui a créé le groupe Steps Ahead. Alors vous imaginez que c'est Mike Manieri. Mike Manieri, oui. Alors, Nicolas Ragel, réaction à cette musique qui, faut le reconnaître, est assez datée quand même. Ah oui, la musique des années 80, ça a bien vieilli. Hein. Je dirais 90, moi. 90, non. Ouais. C'est 98, 89. 89, ouais. Ouais, t'es bon. Ouais, ouais, ça, c'est un peu le côté, comment ça s'appelait, acid jazz, là. Il y a une période... Bon, là, on parle, c'est Mike Manieri qui joue, mais je vois pas spécialement du vibraphone. Ça aurait pu être n'importe quoi, un synthé. Par contre, l'album Steps Ahead, le premier, hein, où il y a Eliane Elias, où il y a Eddie Gomez, Mike Manieri, Peter Erskine, et donc le saxophoniste qui est pas connu, voilà, Michael Brecker. Ça, c'est un disque pour moi très important. Un jour, je suis niçois, j'étais à Nice, mon père m'amène à la Fnac et on regarde les disques et puis il me montre cet album et c'est le premier disque que je me suis acheté, hein, le disque CD, c'est le premier. Et j'ai été subjugué par cette façon d'utiliser le vibraphone, je connaissais pas. Voilà, cette façon de jouer moderne, un peu fusion. Et donc c'est un disque très important. Donc Mike Manieri, oui, j'ai eu une grosse période. Voilà. Mais alors je préfère lorsqu'on le voit jouer acoustique. Et plus on va vers le côté fusion, plus produit comme ça, là je suis moins touché parce que c'est, par rapport au vibraphone proprement dit. Un autre vibraphoniste, on arrive à la fin de cette séquence vibraphone, c'est un vibraphone jeuniste, je pense que vous appréciez. Là, j'ai hésité pour choisir un extrait. Le premier que l'on va écouter, c'est Gary Burton avec Stan Getz. Thank you. Gary Burton, on Green Dolphin Street, il est très discret là, mais c'est quelqu'un qui a dû vous toucher, Gary Burton. Oui, alors là, bon, forcément, alors moi, il faut savoir que j'ai quand même fait tout un cursus d'études classiques, où on apprend à jouer non seulement du vibraphone, du marimba, mais on apprend aussi les timbales, toute la percussion qu'on peut utiliser dans un orchestre. Et c'est vrai qu'en tant que musicien, entre guillemets, classique, on va tout de suite être touché par le jeu de Gary Burton, qui est extrêmement technique, extrêmement impressionnant, extrêmement virtuose, et on est fasciné réellement. Alors le vibraphoniste qui m'a le premier touché, c'est Gary Burton. J'avais vu ces jeunes, le duo Chick Corea Gary Burton, et j'avais vraiment pris, comme on dit, une claque. C'est peut-être le jeu sur lequel je me rapproche le plus et sur lequel j'essaye de m'extirper un peu, parce que ça a une telle influence qu'on essaye après de trouver un jeu personnel et pour essayer de casser ça un petit peu, de s'inspirer d'autres modes de jeu. Donc Gary Burton est extrêmement important et c'est lui qui a déployé donc le jeu réellement à quatre baguettes. Parce qu'on vous expliquait tout à l'heure que donc le vibraphone se joue essentiellement à deux baguettes. Tous les vibraphonistes qu'on a entendus tout à l'heure, peut-être Stepstead, joué à deux baguettes, hein, ça c'est sûr. Peut-être Mike Manieri joué à quatre baguettes, mais lui-même joue à deux baguettes pour ses solos. Tandis que Gary Burton, lui, a développé vraiment le jeu quatre baguettes. C'est le créateur de la technique quatre baguettes. En fait, il existait une technique un peu archaïque, une technique standard, mais qui était peu pratique et utilisée juste pour jouer des accords, mais on pouvait pas déployer un jeu mélodique avec cette technique là et c'est Gary Burton qui a modifié la prise et qui a créé ce jeu virtuose à quatre voix, à quatre baguettes, qui permet d'avoir quatre baguettes autonomes l'une des autres et donc de pouvoir jouer à deux, trois. Il y a des vidéos où on le voit jouer à trois baguettes, quatre baguettes, deux baguettes jamais vues. Voilà. Et le jeu avec Stan Getz, évidemment, je le connais bien. Moi, je l'ai découvert, entre autres aussi avec Astrud Gilberto, Juan Gilberto, hein, il a joué The Girl from Ipanema avec Stan Getz. Et après, il a fait ce quartet. Et donc là aussi, très impressionné, il y a des perles qui sortent régulièrement aussi, qu'on peut écouter maintenant grâce à YouTube, on peut les voir avec Roy Hens. Il est très jeune, hein, il a 19 ans, 20 ans, Gary Burton. Je crois que personne n'arrivera à jouer aussi techniquement, aussi fluide, aussi vite, aussi avec tellement d'infos. C'est un peu Keith Jarrett du vibraphone. Donc l'écueil à éviter, c'est aussi de vouloir faire ça, de vouloir. Je trouve qu'il est intéressant, c'est d'aborder d'autres aspects, notamment l'aspect ethnique, percussion. Voilà, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler, mais Bobby Hutcherson, par exemple, pour moi, est très important aussi dans le panel des vibraphonistes. Écoutez, vous me tendez la perche parce que le dernier vibraphoniste que j'ai choisi pour ce panorama, c'est Bobby Hutcherson. Alors Bobby Hutcherson joue aussi du marimba. Et bon, je ne sais pas si c'est très intéressant à compléter son jeu de vibraphoniste par le marimba. Mais là, je vous propose d'écouter. Il est avec Kenny Garrett au saxophone alto. C'est un enregistrement qui date de 1998. Gaël et Nicolas, votre réaction sur ce dernier musicien vibraphoniste que j'ai choisi de vous faire écouter? Bah, là, on voit clairement le côté plus musique du monde, je dirais presque. Bon, c'est peut-être le son du marimba qui fait ça, mais je pense que, je ne sais pas ce qu'on pense Iragel, mais Bobby Hutcherson, il a moins l'approche virtuose de Gary Burton. Il revient plus finalement peut-être aux racines des claviers, tel le balafon. Ouais, il est virtuose, hein, mais il joue à deux baguettes. Je veux dire, je parlais de virtuosité aussi à quatre baguettes. Il est très virtuose aussi, de Bobby Hutcherson. Ouais. Il joue, il fait beaucoup de notes aussi. Mais voilà. Là, on a écouté deux extraits aussi. C'est intéressant. Ce qui nous retrouve là, c'est que c'est les deux extraits où on avait du saxophone aussi avec le marimba, avec le vibraphone. Et bon, par rapport à notre groupe, ce qui nous rapproche le plus, c'était le quartet de Stan Getz, puisque il n'y a que le vibraphone comme instrument harmonique, et ce qui permettait, donc comme tu l'avais remarqué, de créer une interaction justement par rapport à un trio saxophone, contrebasse, batterie, et avec quelques touches de résonance de vibraphone. Ça, c'est l'esthétique qu'on recherche, avec des sons peut-être plus larges, aussi plus actuels, des compositions, avec les influences que nous avons eues également dans notre jeunesse, hein, puisqu'on n'est pas en 1960, mais on est en 2018. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une prestation importante pour Synaptic Quartet, puisque vous étiez invité à NJP le 19 octobre dernier. On va évoquer un peu ce concert, le vôtre, et puis l'ambiance autour de l'orchestre de Henri Texier. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Jégou, saxophoniste, et de Ira Galinfer, vibraphoniste, qui font partie du quartet Synoptique. Alors, vous étiez, je le disais il y a un instant, en concert le 19 octobre à NJP, au Théâtre de la Manufacture, en première partie avant Henri Texier. Comment se passe cette confrontation avec le public? La salle était pleine. Comment vous l'avez ressenti, ce passage sur une scène? Ah bah, c'était assez impressionnant, parce que pour nous, c'était, en tout cas pour Synoptic, c'était la première grande scène. Et je crois que le public a été assez réceptif à notre musique. On a démarré le concert, en tout cas c'est comme ça que je l'ai senti, un peu dans nos souliers, quoi. En même temps, on avait envie de s'exprimer, de lâcher un peu les chevaux, mais en même temps, on était assez impressionnés par cette salle qui était remplie, qui était venue voir évidemment principalement Henri Texier. Mais bon, malgré tout, je pense qu'on s'en est pas mal tiré, et on a été aussi porté par le public, qui nous a largement encouragé tout au long des morceaux. Et alors, les rapports dans la coulisse avec les musiciens de Henri Texier que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils vous considèrent vraiment comme des débutants ou comme des alter ego? Je pense qu'ils nous ont entendu. Et je crois qu'on était très crédibles. Ils nous ont alter ego, je n'en sais rien, mais en tout cas, on est des musiciens qui ont leur place sur la scène, comme ils ont pu le faire. Et voilà, surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tout ça fait partie un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très encourageant, et ça nous permet, je crois qu'on a une marge d'évolution en plus. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment le groupe va maintenant, jusqu'où il va aller. Jusqu'où on va pouvoir trouver notre identité vraiment de son de quartet. Et je crois que ce concert, moi, personnellement, c'est ça qui m'a plu. C'est que bon, on avait répété, on a fait quelques dates. Mais là, après cet événement, ça nous a rapprochés, nous quatre. Je crois que le départ du groupe, il est parti le lendemain de ce concert. Ça nous a permis de voir jusqu'où on pouvait aller, nos faiblesses, nos qualités. Il y a eu vraiment un échange, un partage avec les auditeurs, entre nous. Et puis, il faut quand même souligner que sur scène, moi, j'ai me sentais très à l'aise, malgré tout, parce que le son était bien. On n'était pas... Je me posais même plus la question de savoir que en fait le son était repris, qu'il y avait tout un système de sonorisation. J'entendais vraiment bien. Du coup, on pouvait évoluer musicalement vraiment vraiment naturellement. Moi, j'ai pas eu spécialement d'angoisse d'avoir du public. Je sentais à l'écoute. Ben, on va écouter alors justement un extrait d'un enregistrement récent que vous avez fait. Donc, Synoptic Quartet. Thank you. en plus. Nicolas, le titre de ce morceau de Synoptique Quartet. Alors, c'était Actuel Système, c'est une composition d'Iragaël. Qui est donc, comme vous, un des auteurs du répertoire, quasiment. Oui, oui. Alors, Nicolas, vous jouez du ténor, du soprano, et aussi de la flûte. Comment vous choisissez ? Est-ce que la flûte correspond à plutôt à certains thèmes, plutôt que d'autres ? Oui, en fait, je choisis les instruments, et Raguel aussi me suggère, il me dit, voilà. Je choisis les instruments en fonction du morceau. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de... qu'une composition, elle amène un son, et c'est en fonction de ça que je vais choisir tel ou tel instrument. Voilà. Alors, vous avez des dates qui sont prévues pour de prochains concerts. À la MJC de Bourgard, c'est le 7 décembre. Tout à fait. Il y en aura sûrement d'autres, on vous le souhaite. Il y a aussi la réalisation d'un album, je pense que c'est dans vos projets. Même si maintenant on n'écoute plus beaucoup de disques, on écoute d'une autre manière. Un album, c'est important pour les programmateurs, pour le public qui veut garder un souvenir d'un concert. Un projet d'album, c'est pour 2019 alors ? Oui, tout à fait. Pour 2019, on aimerait enregistrer un disque voilà, d'une soixantaine de minutes. Donc disque complet, pas un EP. Parce que je pense que effectivement, comme tu peux le souligner, Gérard, c'est important pour les organisateurs d'avoir un disque qui soit bien réalisé, qui soit complet, parce que ça donne une idée assez concrète de ce qu'est le groupe. Pour le public, à l'issue des concerts, en général, les disques, ça se vend assez bien parce que le public, il aime bien ramener chez lui la musique, etc. Et puis aussi pour nous, parce que ça nous fait un souvenir, tous les quatre. Voilà. Alors, séparément, vous avez chacun des projets autonomes. Mmh. Hein, vous jouez dans d'autres formations. Iragaël a un très beau duo avec un accordéoniste. Nicolas, vous êtes dans 10 groupes de styles différents d'ailleurs. Mmh. Hein, vous avez une grande polyvalence de choix. Qu'est-ce qu'il y a comme projet actuellement, séparément ? Alors, moi, je suis dans un autre quartet de jazz qui est mené par Adrien Leguet, donc, qui est le batteur de Synoptique. Donc là, c'est son groupe qu'ils appellent The Storm Watchers. On a fait avec ce groupe-là un petit EP qui est sorti en vinyle 45 tours. Et là, c'est les compos d'Adrien. Voilà, donc ça, c'est un des projets phares de musique créative que je peux avoir. Je fais aussi pas mal de ce que j'appelle du vieux jazz, mais c'est pas vraiment du vieux jazz, c'est le jazz années 20, années 30, années 40, grâce à quelqu'un qui s'appelle Pierre Rebout et qui est... Que l'on connaît bien à la radio. Voilà. Qui est un grand entrepreneur, je dirais, dans ces musiques-là, en Lorraine, quoi. D'ailleurs, l'un comme l'autre, vous étiez au grand spectacle à Poirel sur 100 ans de jazz. Mmh, tout à fait. Et oui. C'est là qu'Iragaël était venu en vibraphone aussi. Oui, batterie vibraphone. Et j'avais essayé de jouer le rôle de Lionel Hampton en faisant Flying Home. Mais j'étais à la batterie aussi. Hein. Donc parmi les autres projets, moi, c'est que je suis batteur. Et pour moi, c'est indissociable. C'est deux de ces instruments de percussion, qui est les 37 touches ou des cymbales et des toms. Je me retrouve là-dedans complètement. Donc à la batterie, je joue de la batterie dans cette musique de jazz années 30. C'est avec Pierre Rebout. Et il m'arrive aussi d'accompagner des chanteurs en chansons françaises. Voilà, donc un petit peu... La chanson n'est pas très loin du jazz. Il y a souvent des musiciens de jazz qui jouent avec des chanteurs. Et c'est un partage intéressant d'ailleurs, je trouve, entre parenthèses. Alors, il y a deux formules. Soit le groupe invite une chanteuse, soit une chanteuse invite des musiciens pour former un groupe. Quelle est la solution qui vous paraît la plus cohérente ? Dans tous les cas, pour Synoptique, nous, on se verrait plus invité par une chanteuse que d'inviter une chanteuse. Parce que, bon, en tous les cas, pour l'image du groupe, ça pourrait paraître je pense, un peu commercial d'inviter une chanteuse avec nous, quoi. Synoptique invite telle ou telle chanteuse. Ça se faisait beaucoup autrefois. La chanteuse était dans la coulisse, on l'appelait, elle venait faire deux chansons et elle repartait. Nous, on comptait inviter une danseuse de contemporaine. Voilà. Ce serait une idée, non? Avec son répertoire. Ça a été fait. Non, mais ça serait marrant de faire une improvisation de danse. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la danse contemporaine. Hein, c'est une autre petite facette que j'ai. Et c'est très intéressant, la danse. D'ailleurs, je transgresse un peu. Il y a un spectacle très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir Anne-Thérèse de Kersmaker, qui est une chorégraphe incroyable, qui a créé une chorégraphie sur A Love Supreme de John Coltrane et qui va être donnée. En février, je crois, au CCAM de Vendeuvre. Et ça va être très très bien. Donc, dans ces musiques, pourquoi pas? Mais alors, il faut venir au concert. Parce que sur le 10, ça se verra pas. Et il y avait Steve Coleman qui faisait ça, je crois. Il avait son groupe et puis il y avait une danseuse qui dansait tout le long du concert. Ça devait être assez fatigant aussi, je pense. Et oui, voilà. Mais bon, je plaisante un peu. Mais sur l'album, par contre, ce serait intéressant d'inviter des amis, des musiciens, quelque chose qui pourrait mettre en avant, peut-être des compositions avec un instrumentiste supplémentaire. Ça, c'est en cours de réflexion. Alors, pour en revenir à Anne-Thérèse, elle est en train de faire un cycle de rétrospective un peu sur Paris. Et elle sera, je crois, au mois de mars ou au mois d'avril à l'Arsenal avec une de ses grandes compositions. On en reparlera à l'occasion. On vous invitera pour en parler. Avec plaisir, parce que je suis grand fan. On va se quitter en écoutant encore une composition, une interprétation de Synoptic Quartet, puisqu'aujourd'hui on avait comme invité Irène Galinfer, vibraphoniste, et Nicolas Jégou, saxophoniste, qui venaient nous parler un peu de leur récente production. On écoute Synoptic Quartet. Nicolas, quel est le titre de cette composition? Donc c'est une composition qui s'appelle Ritournelle. Voilà, et qui est signée de C'est une de mes compositions. signé Nicolas Jégou. Alors merci tous les deux, Nicolas Jégou, saxophoniste, et Irène Galenfer, vibraphoniste, tous les deux membres du Synoptique Quartet, avec à la batterie Adrien Leguet, Julien Monneret à la contrebasse, qui étaient donc à la Manufacture il y a quelques jours, et qui seront le 7 décembre à la MJC Beauregard de Nancy. Donc si vous voulez l'écouter live, ce sera l'occasion. Je vous quitte pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt. Un grand merci à Quentin qui a assuré la relation technique de ce numéro de Jazz Time. À bientôt, au revoir.